épouvantable. Il pleut et mon cœur s'embête à pleurer. J'ai pris d'un paquet, traînant sur ma table, une cigarette au fin bout doré. Et j'ai cru te voir en toilette claire, avec tous tes or passés à tes doigts, traînant par la vie, élégante et fière, sous les yeux charmés du monde et de moi. À la bonne cigarette que j'ai fumée, pourtant mon cœur la regrette, m'a bien aimé. À la bonne cigarette que j'ai fumée, mon cœur la regrette, m'a bien aimé. J'ai pris une braise au milieu des cendres et je me suis mis alors à fumer, en m'entortillant dans les bleus méandres de ma cigarette au fin bout doré. Et j'ai cru sentir passer sur mes lèvres un baiser pareil au baiser brûlant de ta bouche en feu, par les nuits de fièvre où je m'entortille entre tes bras blancs. À la bonne cigarette que j'ai fumée, pourtant mon cœur la regrette, m'a bien aimé. À la bonne cigarette que j'ai fumée, mon cœur la regrette, m'a bien aimé. J'ai jeté ce soir parmi la chaussée cigarette morte au feu du tantôt, un petit voyou qui l'a ramassé par en ressuscant son maigre mégot. Et devant cela, maintenant je pense que ton corps n'est pas à moi tout entier, que ta chair connaît d'autres réjouissances et que je te prends comme un mégotier. À la bonne cigarette que j'ai fumée, pourtant mon cœur la regrette, m'a bien aimé. À la bonne cigarette que j'ai fumée, mon cœur la regrette, m'a bien aimée.